Section 3 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Première partie. Livre 2e. Chapitre 6. Les deux plateaux de la balance. L'homme avait vaincu, mais on pouvait dire que le canon avait vaincu aussi. Le naufrage immédiat était évité, mais la corvette n'était point sauvée. Le délabrement du navire paraissait irrémédiable. Le bordage avait 5 brèches, dont une fort grande à l'avant. 20 caronades sur 30 gisaient dans leur cadre. La caronade ressaisie et remise à la chaîne était elle-même hors de service. La vis du bouton de culasse était forcée et, par conséquent, le pointage impossible. La batterie était réduite à 9 pièces. La cale faisait haut. Il fallait tout de suite courir aux avaries et faire jouer les pompes. L'entrepont, maintenant qu'on le pouvait regarder, était effroyable à voir. Le dedans d'une cage d'éléphant furieux n'est pas plus démantelé. Quelle que fût pour la corvette la nécessité de ne pas être aperçue, il y avait une nécessité plus impérieuse encore, le sauvetage immédiat. Il avait fallu éclairer le pont par quelques falots plantés çà et là dans le bordage. Cependant, tout le temps qu'avait duré cette diversion tragique, l'équipage étant absorbé par une question de vie ou de mort, on n'avait guère su ce qui se passait hors de la corvette. Le brouillard s'était épaissi. Le temps avait changé. Le vent avait fait du navire ce qu'il avait voulu. On était hors de route, à découvert de Jersey et de Guernesey, plus au sud qu'on ne devait l'être. On se trouvait en présence d'une mer démontée. De grosses vagues venaient baiser les plaies béantes de la corvette, baisers redoutables. Le bercement de la mer était menaçant. La brise devenait bise. Une bourrasque, une tempête peut-être, se dessinait. On ne voyait pas à 4 lames devant soi. Pendant que les hommes d'équipage réparaient en hâte et sommairement les ravages de l'entrepont, aveuglaient les voies d'eau et remettaient en batterie les pièces échappées au désastre, le vieux passager était remonté sur le pont. Il s'était adossé au grand mât. Il n'avait point pris garde à un mouvement qui avait eu lieu dans le navire. Le chevalier de la Vieuxville avait fait mettre en bataille des deux côtés du grand mât les soldats d'infanterie de marine et, sur un coup de sifflet du maître de l'équipage, les matelots, occupés à la manœuvre, s'était rangé debout sur les vergues. Le comte du Bois Berthelot s'avança vers le passager. Derrière le capitaine marchait un homme hagard, haletant, les habits en désordre, l'air satisfait pourtant. C'était le canonnier qui venait de se montrer si à propos dompteur de monstres et qui avait eu raison du canon. Le comte fit au vieillard vêtu en paysan le salut militaire et lui dit « Mon général, voilà l'homme ». Le canonnier se tenait debout, les yeux baissés, dans l'attitude d'ordonnance. Le comte du Bois Berthelot reprit « Mon général, en présence de ce qu'a fait cet homme, ne pensez-vous pas qu'il y a pour ses chefs quelque chose à faire ?»« Je le pense, » dit le vieillard. « Veux-tu donner des ordres ?» repartit Bois Berthelot. « C'est à vous de les donner, vous êtes le capitaine. »« Mais vous êtes le général, » reprit Bois Berthelot. Le vieillard regarda le canonnier. « Approche, » dit-il. Le canonnier fit un pas. Le vieillard se tourna vers le comte du Bois Berthelot, détacha la croix de Saint-Louis du capitaine et la noua à la vareuse du canonnier. « Hurrah !» crièrent les matelots. Les soldats de marine présentèrent les armes. Et le vieux passager, montrant du doigt le canonnier ébloui, ajouta « Maintenant, qu'on fusille cet homme !» La stupeur succéda à l'acclamation. Alors, au milieu d'un silence de tombe, le vieillard éleva la voix. Il dit « Une négligence a compromis ce navire. À cette heure, il est peut-être perdu. Être en mer, c'est être devant l'ennemi. Un navire qui fait une traversée est une armée qui livre une bataille. La tempête se cache, mais ne s'absente pas. Toute la mer est une embuscade. Peine de mort à toute faute commise en présence de l'ennemi. Il n'y a pas de faute réparable. Le courage doit être récompensé et la négligence doit être punie. » Ces paroles tombaient l'une après l'autre, lentement, gravement, avec une sorte de mesure inexorable, comme des coups de cognée sur un chêne. Et le vieillard, regardant les soldats, ajouta « Faites !» L'homme à la veste duquel brillait la croix de Saint-Louis courba la tête. Sur un signe du comte de Bois Berthelot, deux matelots descendirent dans l'entrepont, puis revinrent, apportant le hamas de sueur. Le meunier du bord, qui depuis le départ était en prière dans le carré des officiers, accompagnait les deux matelots. Un sergent détacha de la ligne de bataille 12 soldats, qu'il rangea sur deux rangs, 6 par 6. Le canonnier, sans dire un mot, se plaça entre les deux files. Le meunier, le crucifix en main, s'avança et se mit près de lui. « Marche !» dit le sergent. Le peloton se dirigea à pas lents vers l'avant. Les deux matelots, portant le suaire, suivaient. Un morne silence se fit sur la corvette. Un ouragan lointain soufflait. Quelques instants après, une détonation éclata dans les ténèbres. Une lueur passa, puis tout se tut, et l'on entendit le bruit que fait un corps en tombant dans la mer. Le vieux passager, toujours adossé au grand mât, avait croisé les bras et songeait. Bois Berthelot, dirigeant vers lui l'index de sa main gauche, dit bas à la Vieuville. « La Vendée a une tête !» Chapitre 7. Qui met à la voile met à la loterie. Mais quelle est devenir la corvette? Les nuages, qui toute la nuit s'étaient mêlés aux vagues, avaient fini par s'abaisser tellement qu'il n'y avait plus d'horizon, et que toute la mer était comme sous un manteau, rien que le brouillard. Situation toujours périlleuse, même pour un navire bien portant. À la brume s'ajoutait la houle. On avait mis le temps à profit. On avait allégé la corvette en jetant à la mer tout ce qu'on avait pu déblayer du dégât fait par la caronade. Les canons démontés, les affûts brisés, les membrures tordues ou déclouées, les pièces de bois ou de fer fracassées. On avait ouvert les sabords et l'on avait fait glisser sur des planches dans les vagues les cadavres et les débris humains enveloppés dans des prélards. La mer commençait à n'être plus tenable. Non que la tempête devint précisément imminente. Il semblait au contraire qu'on entendît décroître l'ouragan qui bruissait derrière l'horizon, et la rafale s'en allait au nord. Mais les lames restaient très hautes, ce qui indiquait un mauvais fond de mer, et, malade comme était la corvette, elle était peu résistante aux secousses, et les grandes vagues pouvaient lui être funestes. Gascoigne était à la barre, pensif. Faire bonne mine à mauvais jeu, c'est l'habitude des commandants de mer. La Vieuville, qui était une nature d'homme gai dans les désastres, accosta Gascoigne. « Eh bien, pilote, dit-il, l'ouragan rate. L'envie d'éternuer n'aboutit pas. Nous en tirerons. Nous aurons du vent, voilà tout. » Gascoigne, sérieux, répondit. « Qui a du vent a du flot. Ni riant, ni triste. Tel est le marin. » La réponse avait un sens inquiétant. Pour un navire qui fait haut, avoir du flot, c'est s'enfuir vite. Gascoigne avait souligné ce pronostic d'un vague froncement de sourcils. Peut-être, après la catastrophe du canon et du canonnier, la Vieuville avait-il dit un peu trop tôt des paroles presque joviales et légères. Il y a des choses qui portent malheur quand on est au large. La mer est secrète, on ne sait jamais ce qu'elle a, il faut prendre garde. La Vieuville sentit le besoin de redevenir grave. « Où sommes-nous, pilote » demanda-t-il. Le pilote répondit « Nous sommes dans la volonté de Dieu. » Un pilote est un maître, il faut toujours le laisser faire et il faut souvent le laisser dire. D'ailleurs, cette espèce d'homme parle peu. La Vieuville s'éloigna. La Vieuville avait fait une question au pilote, ce fut l'horizon qui répondit. La mer se découvrit tout à coup. Les brumes qui traînaient sur les vagues se déchirèrent. Tout l'obscur bouleversement des flots s'étala à perte de vue, dans un demi-jour crépusculaire, et voici ce qu'on vit. Le ciel avait comme un couvercle de nuages, mais les nuages ne touchaient plus la mer. À l'est apparaissait une blancheur qui était le lever du jour. À l'ouest blêmissait une autre blancheur qui était le coucher de la lune. Ces deux blancheurs faisaient sur l'horizon, vis-à-vis l'une de l'autre, deux bandes étroites de lueurs pâles, entre la mer sombre et le ciel ténébreux. Sur ces deux clartés se dessinaient, droites et immobiles, des silhouettes noires. Au couchant, sur le ciel éclairé par la lune, se découpaient trois hautes roches, debout, comme des pelvins celtiques. Au levant, sur l'horizon pâle du matin, se dressaient huit voiles rangées en ordre et espacées d'une façon redoutable. Les trois roches étaient un écueil. Les huit voiles étaient une escadre. On avait derrière soi les Minquiers, un rocher qui avait mauvaise réputation. Devant soi, la croisière française. À l'ouest, l'abîme. À l'est, le carnage. On était entre un naufrage et un combat. Pour faire face à l'écueil, la corvette avait une coque trouée, un gréement disloqué, une mâture ébranlée dans sa racine. Pour faire face à la bataille, elle avait une artillerie dont 21 canons sur 30 étaient démontés, et dont les meilleurs canonniers étaient morts. Le point du jour était très faible, et l'on avait un peu de nuit devant soi. Cette nuit pouvait même durer encore assez longtemps, étant surtout faite par les nuages qui étaient hauts, épais et profonds, et avaient l'aspect solide d'une voûte. Le vent, qui avait fini par emporter les brumes d'en bas, drossait la corvette sur les Minquiers. Dans l'excès de fatigue et de délabrement où elle était, elle n'obéissait presque plus à la barre. Elle roulait plutôt qu'elle ne voguait, et, souffletée par le flot, elle se laissait faire par lui. Les Minquiers, écueil tragique, étaient plus âpres encore en ce temps-là qu'aujourd'hui. Plusieurs tours de cette citadelle de l'abîme ont été rasés par l'incessant épaissement que fait la mer. La configuration des écueils change. ce n'est pas en vain que les flots s'appellent les lames. Chaque marée est un trait de scie. À cette époque, toucher les mains quiets, c'était périr. Quant à la croisière, c'était cette escadre de Cancale, devenue depuis célèbre sous le commandement de ce capitaine Duchesne, que les Quignaux appelaient le père Duchesne. La situation était critique. La corvette avait, sans le savoir, pendant le déchaînement de la caronade, dévié et marché plutôt vers Granville que vers Saint-Malo. Quand même elle eut pu naviguer et faire voile, les maquillés lui barraient le retour vers Jersey et la croisière lui barrait l'arrivée en France. Du reste, de tempête, point. Mais comme l'avait dit le pilote, il y avait du flot. La mer, roulant sous un vent rude et sur un fond déchirant, était sauvage. La mer ne dit jamais tout de suite ce qu'elle veut. Il y a de tout dans le gouffre, même de la chicane. On pourrait presque dire que la mer a une procédure. Elle avance et recule, elle propose et se dédie. Elle ébauche une bourrasque et elle y renonce. Elle promet l'abîme et ne le tient pas. Elle menace le nord et frappe le sud. Toute la nuit, la corvette, la Clémore, avait eu le brouillard et craint la tourmente. La mer venait de se démentir, mais d'une façon farouche. Elle avait esquissé la tempête et réalisé l'écueil. C'était toujours, sous une autre forme, le naufrage. Et, à la perte sur les brisants, s'ajoutait l'extermination par le combat, un ennemi complétant l'autre. La Vieuville s'écria à travers son vaillant rire. « Naufrage ici, bataille là. Des deux côtés, nous avons le kin. » Chapitre 8. 9 égale 380. La corvette n'était presque plus qu'une épave. Dans la blême clarté éparse, dans la noirceur des nuées, dans les mobilités confuses de l'horizon, dans les mystérieux froncements des vagues, il y avait une sonalité sépulcrale. Excepté le vent soufflant d'un souffle hostile, tout se taisait. La catastrophe sortait du gouffre avec majesté. Elle ressemblait plutôt à une apparition qu'à une attaque. Rien ne bougeait dans les rochers, rien ne remuait dans les navires. C'était on ne sait quel colossal silence. Avait-on affaire à quelque chose de réel? On eût dit un rêve passant sur la mer. Les légendes ont de ces visions. La corvette était en quelque sorte entre l'écueil démon et la flotte fantôme. Le comte du Bois-Berthelot donna à demi-voix des ordres à la Vieuville, qui descendit dans la batterie, puis le capitaine saisit sa longue-vue et vint se placer à l'arrière, à côté du pilote. Tout l'effort de Gascoigne était de maintenir la corvette debout au flot, car, prise de côté par le vent et par la mer, elle eut inévitablement chaviré. « Pilote, dit le capitaine, où sommes-nous? Sur les mains quiets. De quel côté? Du mauvais. Quel fond? Roche criarde. Peut-on s'embosser? On peut toujours mourir, dit le pilote. Le capitaine dirigea sa lunette d'approche vers l'ouest et examina les mains quiets. Puis il la tourna vers l'est et considéra les voiles en vue. Le pilote continua, comme se parlant à lui-même. C'est les mains quiets. Cela sert de reposoir à la mouette rieuse quand elle s'en va de Hollande et au grand goéland à manteau noir. Cependant, le capitaine avait compté les voiles. Il y avait bien, en effet, 8 navires correctement disposés et dressant sur l'eau leur profil de guerre. On apercevait au centre la haute stature d'un vaisseau à 3 ponts. Le capitaine questionna le pilote. « Connaissez-vous ces voiles ?»« Certes, » répondit Gascoigne. « Qu'est-ce ? C'est l'escadre. De France, du diable. » Il y eut un silence. Le capitaine reprit. « Toute la croisière est-elle là ? Pas toute. » En effet, le 2 avril, Valazé avait annoncé à la Convention que 10 frégates et 6 vaisseaux de ligne croisaient dans la Manche. Ce souvenir revint à l'esprit du capitaine. « Au fait, dit-il, l'escadre a de 16 bâtiments, il n'y en a ici que 8. Le reste, dit Gascoigne, traîne par là-bas sur toute la côte et espionne. » Le capitaine, tout en regardant à travers sa longue vue, murmura. « Un vaisseau à 3 ponts, 2 frégates de premier rang, 5 de deuxième rang. Mais moi aussi, grommela Gascoigne, je les ai espionnés. « Bon bâtiment, dit le capitaine, j'ai un peu commandé tout cela. Moi, dit Gascoigne, je les ai vus de près. Je ne prends pas l'un pour l'autre, j'ai leur signalement dans la cervelle. » Le capitaine passa sa longue vue au pilote. « Pilote, distinguez-vous bien le bâtiment de haut bord ?»« Oui, mon commandant. C'est le vaisseau la Côte d'Or, qu'ils ont débaptisé, dit le capitaine. C'était autrefois les États de Bourgogne, un navire neuf, 128 canons. » Il tira de sa poche un carnet et un crayon et écrivit sur le carnet le chiffre 128. Il poursuivit. « Pilote, quelle est la première voile à bâbord ?»« C'est l'expérimenté. Frégate de premier rang, 52 canons. Elle était en armement à Brest il y a 2 mois. » Le capitaine marqua sur son carnet le chiffre 52. « Pilote, reprit-il, quelle est la deuxième voile à bâbord ?»« La Dryade. Frégate de premier rang, 40 canons de 18. Elle a été dans l'Inde. Elle a une belle histoire militaire. Et il écrivit au-dessous du chiffre 52 le chiffre 40, puis relevant la tête. À tribord maintenant. Mon commandant, ce sont toutes des frégates de second rang. Il y en a 5. Quelle est la première à partir du vaisseau? La Résolue. 32 pièces de 18. Et la seconde? La Richemont. Même force. Après, la T. Drôle de nom pour aller en mer. Après, la Calypso. Après, la Prôneuse. 5 frégates de 32 chacune. Le capitaine écrivit, au-dessous des premiers chiffres, 160. Pilote, dit-il, vous les reconnaissez bien. Et vous, répondit Gascoigne, vous les connaissez bien, mon commandant. Reconnaître quelque chose, connaîtrait mieux. Le capitaine avait l'œil fixé sur son carnet et additionné entre ses dents. 128, 52, 40, 160. En ce moment, la Vieux-Ville remontait sur le pont. Chevalier, lui cria le capitaine, nous sommes en présence de 380 pièces de canon. Soit, dit la Vieux-Ville. Vous revenez de l'inspection, la Vieux-Ville. Combien décidément avons-nous de pièces en état de faire feu? 9. Soit, dit à son tour Bois-Berthelot. Il reprit la longue vue des mains du pilote et regarda l'horizon. Les 8 navires silencieux et noirs semblaient immobiles, mais ils grandissaient. Ils se rapprochaient insensiblement. La Vieux-Ville fit le salut militaire. « Commandant, dit la Vieux-Ville, voici mon rapport. Je me défiais de cette corvette Claymore. C'est toujours ennuyeux d'être embarqué brusquement sur un navire qui ne vous connaît pas ou qui ne vous aime pas. Navire anglais, traître aux Français. La chienne de Caronade l'a prouvé. J'ai fait la visite. Bonnes ancres, ce n'est pas du fer de loupe. C'est forgé avec des barres soudées au martinet. Les cigales des ancres sont solides, câbles excellents, faciles à débiter, ayant la longueur d'ordonnance, 120 brasses. Force munitions, 6 canonniers morts, 171 coups à tirer par pièce. Parce qu'il n'y a plus que 9 pièces, murmura le capitaine. Bois-Berthelot braqua sa longue vue sur l'horizon. La lente approche de l'escadre continuait. Les caronades ont un avantage. 3 hommes suffisent pour les manœuvrer. Mais elles ont un inconvénient. Elles portent moins loin et tirent moins juste que les canons. Il fallait donc laisser arriver l'escadre à portée de caronade. Le capitaine donna ses ordres à voix basse. Le silence se fit dans le navire. On ne sonna point le branle-bas, mais on l'exécuta. La corvette était aussi hors de combat contre les hommes que contre les flots. On tira tout le parti possible de ce reste d'un navire de guerre. On accumula près des drosses, sur le passe-avant, tout ce qu'il y avait d'ossières et de grelins de rechange pour raffermir au besoin la mâture. On mit en ordre le poste des blessés. Selon la mode navale d'alors, on bastingua le pont, ce qui est une garantie contre les balles, mais non contre les boulets. On apporta les passe-balles, bien qu'il fût un peu tard pour vérifier les calibres. Mais on n'avait pas prévu tant d'incidents. Chaque matelot reçut une giberne et mit dans sa ceinture une paire de pistolets et un poignard. On plia les branles, on pointa l'artillerie, on prépara la mousqueterie. On disposa les haches et les grappins. On tint prêtes les soutes à gargousse et les soutes à boulets. On ouvrit la soute aux poudres. Chaque homme prit son poste. Tout cela sans dire une parole, et comme dans la chambre d'un mourant. Ce fut rapide et lugubre. Puis, on embossa la corvette. Elle avait 6 ancres, comme une frégate. On les mouilla toutes les 6. L'ancre de veille à l'avant, l'ancre de toux à l'arrière, l'ancre de flot du côté du large, l'ancre de jusant du côté des brisants, l'ancre d'affourche à tribord et la maîtresse ancre à bâbord. Les 9 caronades qui restaient vivantes furent mises en batterie, toutes les 9 d'un seul côté, du côté de l'ennemi. L'escadre, non moins silencieuse, avait elle aussi complété sa manœuvre. Les 8 bâtiments formaient maintenant un demi-cercle, dont les mainquiers faisaient la corde. La Claymore, enfermée dans ce demi-cercle, et d'ailleurs garrottée par ses propres ancres, était adossée à l'écueil, c'est-à-dire au naufrage. C'était comme une meute autour d'un sanglier, ne donnant pas de voix mais montrant les dents. Il semblait de part et d'autre qu'on s'attendait. Les canonniers de la Claymore étaient à leur pièce. Bois-Berthelot dit à la Vieux-Ville « Je tiendrai à commencer le feu. »« Plaisir de coquette, » dit la Vieux-Ville. Chapitre 9. Quelqu'un échappe. Le passager n'avait pas quitté le pont. Il observait tout, impassible. Bois-Berthelot s'approcha de lui. « Monsieur, lui dit-il, les préparatifs sont faits. Nous voilà maintenant cramponnés à notre tombeau. Nous ne lâcherons pas prise. Nous sommes prisonniers de l'escadre ou de l'écueil. Nous rendre à l'ennemi ou sombrer dans les brisants, nous n'avons pas d'autre choix. Il nous reste une ressource, mourir. Combattre vaut mieux que naufrager. J'aime mieux être mitraillé que noyé. En fait, de mort, je préfère le feu à l'eau. Mais mourir, c'est notre affaire à nous autres, ce n'est pas la vôtre à vous. Vous êtes l'homme choisi par les princes. Vous avez une grande mission, diriger la guerre de Vendée. Vous, de moins, c'est peut-être la monarchie perdue. Vous devez donc vivre. Notre honneur à nous est de rester ici, le vôtre est d'en sortir. Vous allez, mon général, quitter le navire. Je vais vous donner un homme et un canot. Gagner la côte par un détour n'est pas impossible. Il n'est pas encore jour, les lames sont hautes, la mer est obscure, vous échapperez. Il y a des cas où fuir, c'est vaincre. » Le vieillard fit, de sa tête sévère, un grave signe d'acquiescement. Le comte du Bois Berthelot éleva la voix. « Soldats et matelots » cria-t-il. Tous les mouvements s'arrêtèrent, et, de tous les points du navire, les visages se tournèrent vers le capitaine. Il poursuivit. « L'homme qui est parmi nous représente le roi. Il nous est confié et nous devons le conserver. Il est nécessaire au trône de France. À défaut d'un prince, il sera, c'est du moins notre attente, le chef de la Vendée. C'est un grand officier de guerre. Il devait aborder en France avec nous. Il faut qu'il y aborde sans nous. Sauver la tête, c'est tout sauvé. « Oui, oui, oui !» crièrent toutes les voix de l'équipage. Le capitaine continua. Il va courir lui aussi de sérieux dangers. Atteindre la côte n'est pas aisé. Il faudrait que le canot fût grand pour affronter la haute mer, et il faut qu'il soit petit pour échapper à la croisière. Il s'agit d'aller atterrir à un point quelconque qui soit sûr, et plutôt du côté de Fougères que du côté de Coutances. Il faut un matelot solide, bon rameur et bon nageur, qui soit du pays et qui connaisse les passes. Il y a encore assez de nuit pour que le canot puisse s'éloigner de la corvette sans être aperçu. Et puis, il va y avoir de la fumée qui achèvera de le cacher. Sa petitesse l'aidera à se tirer des bas-fonds. Où la panthère est prise, la belette échappe. Il n'y a pas d'issue pour nous, il y en a pour lui. Le canot s'éloignera à force de rames. Les navires ennemis ne le verront pas. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, nous ici, nous allons les amuser. Est-ce dit ? Oui, oui, oui ! Cria l'équipage. Il n'y a pas une minute à perdre, reprit le capitaine. Y a-t-il un homme de bonne volonté ? Un matelot dans l'obscurité sortit des rangs et dit « Moi !» Chapitre 10. Échappe-t-il ? Quelques instants après, un de ces petits canots qu'on appelle Youyou et qui sont spécialement affectés au service des capitaines, s'éloignait du navire. Dans ce canot, il y avait deux hommes. Le vieux passager qui était à l'arrière et le matelot de bonne volonté qui était à l'avant. La nuit était encore très obscure. Le matelot, conformément aux indications du capitaine, ramait vigoureusement dans la direction des Minquiers. Aucune autre issue n'était d'ailleurs possible. On avait jeté au fond du canot quelques provisions, un sac de biscuits, une longe de bœuf fumé et un baril d'eau. Au moment où le Youyou prit la mer, la vieille ville, goguenard devant le gouffre, se pencha par-dessus l'étambeau du gouvernail de la corvette et ricana cet adieu au canot. « C'est bon pour s'échapper et excellent pour se noyer. »« Monsieur, dit le pilote, ne rions plus. » L'écart se fit vite et il y eut promptement bonne distance entre la corvette et le canot. Le vent et le flot étaient d'accord avec le rameur, et la petite barque fuyait rapidement, ondulant dans le crépuscule et cachée par les grands plis des vagues. Il y avait sur la mer on ne sait quelle sombre attente. Tout à coup, dans ce vaste et tumultueux silence de l'océan, il s'éleva une voix qui, grossie par le porte-voix, comme par le masque d'airain de la tragédie antique, semblait presque surhumaine. C'était le capitaine Bois Berthelot qui prenait la parole. « Marin du roi » cria-t-il. « Clouez le pavillon blanc au grand mât. Nous allons voir se lever notre dernier soleil. » Et un coup de canon partit de la corvette. « Vive le roi !» cria l'équipage. Alors on entendit au fond de l'horizon un autre cri, immense, lointain, confus, distinct pourtant. « Vive la République !» Et un bruit pareil au bruit de 300 foudres éclata dans les profondeurs de l'océan. La lutte commençait. La mer se couvrit de fumée et de feu. Les jets d'écume que font les boulets en tombant dans l'eau piquèrent les vagues de tous les côtés. La Clémence se mit à cracher de la flamme sur les 8 navires. En même temps, toute l'escadre, groupée en demi-lune autour de la Clémence, faisait feu de toutes ses batteries. L'horizon s'incendia. On eût dit un volcan qui sort de la mer. Le vent tordait cet immense pourpre de la bataille où les navires apparaissaient et disparaissaient comme des spectres. Au premier plan, le squelette noir de la corvette se dessinait sur ce fond rouge. On distinguait, à la pointe du grand mât, le pavillon fleur-de-lysé. Les deux hommes qui étaient dans le canot se taisaient. Le bas-fond triangulaire des Minquiers, sorte de trinacrie sous-marine, est plus vaste que l'île entière de Jersey. La mer le couvre. Il a pour point culminant un plateau qui émerge des plus hautes marées et duquel se détachent au nord-est 6 puissants rochers rangés en ligne droite, qui font l'effet d'une grande muraille écroulée çà et là. Le détroit entre les plateaux et les 6 écueils n'est praticable qu'aux barques d'un très faible tirant d'eau. Au-delà de ce détroit, on trouve le large. Le matelot, qui s'était chargé du sauvetage du canot, engagea l'embarcation dans le détroit. De cette façon, il mettait les Minquiers entre la bataille et le canot. Il nagea avec adresse dans l'étroit chenal évitant les récifs à bâbord comme à tribord. Les rochers, maintenant, masquaient la bataille. La lueur de l'horizon et le fracas furieux de la canonnade commençaient à décroître, à cause de la distance qui augmentait. Mais, à la continuité des détonations, on pouvait comprendre que la corvette tenait bon, et qu'elle voulait épuiser jusqu'à la dernière ses 191 bordées. Bientôt, le canot se trouva dans une eau libre, hors de l'écueil, hors de la bataille, hors de la portée des projectiles. Peu à peu, le modelé de la mer devenait moins sombre. Les luisants brusquement noyés de noirceur s'élargissaient. Les écumes compliquées se brisaient en jets de lumière. Des blancheurs flottaient sur les méplats des vagues. Le jour parut. Le canot était hors de l'atteinte de l'ennemi. Mais le plus difficile restait à faire. Le canot était sauvé de la mitraille, mais non du naufrage. Il était en haute mer, coque imperceptible, sans pont, sans voile, sans mât, sans boussole, n'ayant de ressources que la rame, en présence de l'océan et de l'ouragan. Atome à la merci des colosses. Alors, dans cette immensité, dans cette solitude, levant la face du blémissait le matin, l'homme qui était à l'avant du canot regarda fixement l'homme qui était à l'arrière et lui dit « Je suis le frère de celui qui vous avait fait fusiller. » Fin de la section 3.